Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Iri, on se retrouve pour Hind en Brezonnik. Kentel Perran, no, à Perugun, c'est ça? 489, oui. Je dis no parce que je crois qu'à l'arrivée, ils disent no. Ah oui, no ou no. Ici, on dit no à Pembride aussi, oui. Liane Toraval, elle disait no quand elle travaillait à RKB. Sinon, il y en a qui disent no. No, oui. Ouais. Ça dépend comment on prononce le V, quoi. Ouais. Ou le O. Bah, no, en mauvais l'art, no. En mauvais l'art, no. Et Guerriou Arvué, pour commencer, les mots de la vie. Ouais. Un mot un peu particulier aujourd'hui, Henri. Un peu particulier, oui. C'est Zoznek. Parce qu'on entend souvent parler de ça. Et puis, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'en parler. Zoznek, c'est le mot qui désigne en breton la langue anglaise, qui est une langue très parlée ici, hein, sur le marché de Calac. Maintenant, on entend plus souvent du Zoznek que du Brezonnek. Et donc, c'est un, donc comme tous les noms de langue, hein, il se termine par EG, hein. On dit par exemple espagnol, italien, german, guézel, le gaélique. Hein, Kembra avec le gallois, Kerné avec le cornique ou cornoyer, hein. Voilà. Donc, en ek. Alors, c'est un mot qui, en breton, dérive de la racine zos. Zos, qui vient de saxon, du mot saxon, qui désigne l'anglais, quoi. Par exemple, on va dire brozos, hein. Brozos, c'est l'Angleterre. Voilà. Alors, c'est un mot qui n'a pas de pluriel, normalement. Comme tous les noms de langue, mais en fait, on pourrait dire Zoznegu, puisque il y a 76 variantes recensées de la langue anglaise. Parce que contrairement à une idée reçue, c'est l'anglais, en fait, a des formes dialectales extrêmement nombreuses. Il y a eu un article, d'ailleurs, de Fabien Lécuyer dans le YA, là, très intéressant, il n'y a pas longtemps, c'était le numéro de Noël, où il parle un peu des variantes de la langue anglaise. Qui souvent d'ailleurs ne permettent pas l'intercompréhension. D'ailleurs, c'est assez curieux, contrairement à l'idée de langue universelle que véhicule l'anglais. L'anglais universel, en fait, c'est le airport English. C'est exactement ça, c'est de l'anglais d'aéroport. Ouais. Un anglais pas très joli d'ailleurs, ouais. Qu'on parle un peu tous. Oui, ouais, ouais, qu'on balbutie, quoi. Ouais. Qu'on balbutie. Moi, il y a un que j'aimais bien, enfin, c'était Yasser Arafat. Ah, parce que tu comprenais tout ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait, c'était vraiment prononcé idéalement. Hein. Je comprenais tout ce qu'il racontait, quoi. Et il y avait le commandant Cousteau qui était pas mal non plus dans le genre. Il y a des gens qui disent aussi que tout le monde est capable de parler de l'anglais d'aéroport, mais il y a assez peu de gens qui seraient capables de réciter un poème en anglais, par exemple. Oui, par exemple, oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. C'est un peu cette forme-là, donc. Alors, la langue anglaise actuelle, c'est le résultat d'une très longue évolution. Sous l'Empire romain, et d'ailleurs qui était parti d'un foyer tout petit finalement au départ, hein, qui était donc la Grande-Bretagne, Breisveur, hein, où nous avons été nos ancêtres autrefois. Donc, il y a eu des tribus saxonnes, les Jutes, les Angles, les Saxons, hein, qui ont envahi l'Angleterre, enfin ce qui est devenu l'Angleterre. Et les Frisons également. Et alors, c'était une langue qui ressemblait aux autres langues indo-européennes, c'est-à-dire il y avait trois genres, hein. Il y avait le neutre, le féminin, le masculin, et une déclinaison à 5 cas aussi. Ah oui. Et très rapidement, la langue a évolué en se simplifiant. Elle est extrêmement simple comme grammaire, ça c'est certain. Et on le dit souvent comme argument, on dit que c'est une grammaire très simple. Le problème, c'est la compréhension. Moi, je dirais bien, comme M. Puc qui disait, je le parle, mais je ne le comprends pas. Parce qu'on dit des fois, le breton, on le comprend, mais on ne le parle pas. Mais comme moi, le chien d'Angela Duval. Oui, oui. Là, c'est plutôt le contraire. On peut parler, mais pour comprendre, quand on est avec des Anglais, c'est très difficile. Parce que les mots sont liés entre eux. Et donc, les mots n'émergent pas dans ce qu'on entend. On n'entend pas des mots qui émergent, sauf si les gens font un effort particulier pour bien prononcer. Mais autrement, les mots n'émergent pas. Par exemple, si on fait de l'allemand, par exemple, les mots allemands, on les entend. Un mot qu'on connaît, on l'entend. Tandis que là, c'est lié, quoi. Voilà. Donc, Alors du système de déclinaison, il ne reste plus que le S du génitif, quoi, qui est resté, hein. Et d'ailleurs qui leur pose problème pour les machines actuelles, l'apostrophe S. Alors le vocabulaire a été très influencé par le latin à la fin de l'Empire romain et par le français à la suite de la conquête de l'Angleterre, hein, par Guillaume le Conquérant, la bataille de Hastings, hein, on en parle en ce moment justement, et bon, qui est représenté par la tapisserie de Bayeux par exemple. Et donc en fait il y a à peu près la moitié des mots anglais qui sont des mots normands, non pas les mots français mais des mots normands, du dialecte normand de cette époque-là. Voilà. Quand on parle de l'anglais, on désigne sous ce terme l'anglais académique. On dit souvent la langue de Shakespeare. Ça me fait bien rigoler parce que le pauvre Shakespeare, je pense qu'il aura un peu de mal dans les banlieues de Londres aujourd'hui, à piger de ce qu'on raconte. Comme la langue de Molière aussi, le pauvre Molière, je pense que il aurait un peu de mal à comprendre. Voilà. Shakespeare qui est né en 1564 à Stratford-upon-Avon. J'ai visité l'une des maisons natales de Shakespeare dans ma jeunesse, parce que paraît-il qu'il y en a quatre. Bon. Enfin, j'ai visité une maison qui se disait maison natale de Shakespeare. Mais on ne sait même pas s'il a vraiment existé, finalement. Ah bon ? Il y a des comptes. Il est mort il y a 400 ans, en tout cas. Oui, il est mort, oui, en 1616, mais... est-ce qu'il a vraiment existé ou est-ce qu'il a vraiment... On pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ont... C'est un peu une saga et qui auraient écrit sous ce nom-là. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là, ce n'est pas l'objet. Voilà, donc il y a l'anglais orthodoxe. Alors, il y a des variantes, par exemple le jamaïcain, le singlish, qui est parlé par exemple à Singapour, qui est un mélange d'anglais fortement teinté de chinois. Le Spanglish aussi, qui est utilisé par les Latinos des États-Unis. Il y a aussi le Black American English, qu'on appelle aussi l'Ebonix, qui est utilisé par les Noirs des États-Unis. Et alors, chacun d'ailleurs voulant faire reconnaître sa variante de l'anglais. Donc on voit que c'est pas si simple que ça, quoi. Il y a le pidgin aussi. Oui, il y a toutes sortes de... Oui, le pidgin, oui. Et puis toutes sortes d'argots, hein. Et puis il y a le basic English, hein, l'anglais de base, hein, qu'on a voulu ériger en langue internationale. Voilà. Alors, à dériver de là, il y a Zosneger. Hein, Zosneger, celui qui parle anglais, l'anglophone. Zosnegerien, les anglais. Alors, on va peut-être signaler qu'il y a une émission en anglais sur RKB. Hein. Il y a Spotlight en britannique, on peut écouter notamment le samedi. On entend même des Français qui parlent anglais pour l'émission. Oui, c'est très bien. Du français doublé en anglais. Ouais, doublé en anglais, ouais, c'est très intéressant. Et j'aime bien l'écouter parce que s'il y a des choses intéressantes, hein, des sujets comme ça qui sont traités. Et puis il m'arrive de rater des mots, mais enfin le sens global, on arrive quand même à comprendre. Hein. Il y a Bruno qui participe. Voilà. Hein, voilà. Alors il y a aussi une variété dont on connaît pas le devenir, c'est le franglais. Hein. C'est un terme qui a été employé par Étiamble, hein, en 1967, le professeur Étiamble, à l'époque où le français commençait à prendre des mots anglais à un rythme très lent. Aujourd'hui, je crois que c'est une dizaine de mots qui passent tous les jours de l'anglais dans le français. Ah oui, ça fait un paquet. Oui, ça fait un paquet, quoi. Mmh. En particulier les adjectifs. Au départ, c'est les adjectifs qui sont passés. Et puis maintenant, tout ce qui est... Ah, les verbes, hein. On va liker des choses. Ah, voilà. Maintenant, c'est les verbes. Et puis tout ce qui est nouveau, en fait, hein, tout ce qui est nouveau dans le domaine numérique, par exemple. C'est les start-up, etc. Il y a le crowdfunding, bon. Et donc là, on ne sait pas exactement, est-ce qu'il va y avoir une convergence entre les deux langues, un remplacement, enfin, bon. Voilà un peu pour le mot Zosnuk. Et moi, je voulais dire qu'il y a un village à Mélionnais qui s'appelle Kerzoz. Ah oui, Kerzoz, oui. Oui, alors il y a beaucoup de lieux-dits qui ont porté, ça date de la guerre de Cent Ans, hein. Parc-Zos, par exemple, hein. Il y a pas mal de noms qui sont liés à l'anglais, au passage des Anglais, oui. Par exemple aussi, il y avait la, la chapelle Saint-Georges à Trémargat, dont le nom serait dû justement à une implantation des Anglais, et qui a donné son nom au ruisseau, le Saint-Georges d'ailleurs. Et le moulin Saint-Georges. Alors, voilà, on peut se demander ce que, et la fontaine, bien sûr. On peut se demander ce que vient faire Saint-Georges à Trémargat. Hein. Ouais. En tout cas, se passe à Trémargat. c'est un endroit où il y a eu des passages très anciens de différentes peuplades. Bon, on en reste là, Henri ? On va rester là, oui. On passe à la seconde partie de cette émission Interbrezonec. Brezonec tant matin. Eri, des vœux cette année? Oui, j'avais envie de parler à la fois en français et puis en breton ensuite de cette période, hein, de cette période du début de l'année, puisque on vient de changer, hein, on est passé en 2016 maintenant, et donc voilà, Blavesmat, c'est une expression qui est connue par beaucoup de gens, même des gens qui sont pas bretonnants. Blavesmat, tout le monde sait ce que c'est dans le pays, quoi. Voilà. Alors en breton, d'ailleurs, il y a deux mots qui désignent l'année. Blaz et blaves. Hein. Comme il y a en français, d'ailleurs, l'an et l'année, quoi. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a l'année et puis le contenu blaves, hein, que c'est l'année. C'est le contenu de l'année. Alors, blaz, d'ailleurs, hein, ici, on prononce bla. Comme si ça s'écrivait B-L-A. Benebla. Benebla. Benebla. Hein, l'année prochaine. Et ailleurs, pas très loin d'ici, on dit blé. Où ça, alors? C'est quand on se rapproche du Morbihan, mais déjà à Rostronin, il y a des gens qui disent blé. Même à Kergrist. Hein. Donc c'est une forme plutôt morbihanaise, plutôt vannetaise, hein, mais en fait, ça remonte assez haut. Donc ce mot est très utilisé, par exemple, Bla Perse, hein, quand j'étais gamin, j'entendais toujours parler de cette année, 1914, hein, qui avait été un traumatisme extraordinaire pour le pays. Hein. Donc Bla Perse, ou Bla Pevarse aussi. Hein. Bon, alors c'est un mot masculin, donc on va dire par exemple Bla Kos, hein, la vieille année. L'idée de vieille année, c'est... Donc, avant le premier de l'an, par exemple, on disait qu'il fallait planter l'ail dans la vieille année. Plantant quignon ne babla cause. Voilà. Et herbla neve, bien sûr. Donc, herbla cause et herbla neve. Hein, la nouvelle année. Hein. Donc, herbla neve, la nuit de la nouvelle année, quoi. Alors, le pluriel de bla, c'est blasiou, hein. Alors ici, on prononce pas ce Z-là, hein, on dit blaiou. Hein. Et le pluriel de blaves, c'est blavesiou. Hein. Et c'est une forme, quand on dit blavesiou, c'est une forme un peu plus emphatique, un petit peu plus cérémoniale, en fait, de dire les choses. Alors blavesiou, Hunterkorn, des années 50. Alors blavesiou, Trégon, hein, il y a une chanson là-dessus sur les années 30, où il y avait eu une crise économique importante. Et voilà. Donc je disais Blavesmat. Alors l'habitude autrefois, c'était d'aller faire le tour des amis ce jour-là, le premier de l'an, quoi. Il paraît d'ailleurs qu'on emmenait une bouteille de rhum, hein, chacun portait sa bouteille de rhum et avant le soir, elle était bue, quoi. C'est là et les autres, quoi. Voilà. Allez, et on chantait Blavesmat de Zouetandar. Hein. Blavesmat de Zouetandar, Blavesmat d'Igondoué, aventure va te rayo wang de Régos Prespolité. Donc on souhaite la bonne aventure aux jeunes et puis la prospérité aux anciens. Donny Donné. Donny Donne, c'est une onze blanévé. Oui, parce que c'est aussi une chanson pour aller quêter, en quelque sorte, un petit peu, essayer d'avoir un petit pourboire dans les maisons où on passe, quoi. Et puis, on connaît aussi la formule, hein. Herbara dos filopue, m'avait volonté douée. Puisque c'est toujours, donc, le paradis à la fin de votre vie, si c'est la volonté de Dieu. Oui, puisque, alors, cette chanson-là, elle est très importante. très imprégné de la religion, hein, puisqu'on parle leur pasteur, hein, les pasteurs qui sont venus voir le Christ au moment de sa naissance. Donc c'est probablement écrit par un prêtre, ou au moins un clerc, hein, puisqu'il y a une forte empreinte de la religion. Alors il y a eu Taldir Jafredou, donc le gars de Carnoët, là, bien connu, avait fait une version laïque, débarrassée un peu des aspects religieux dans les années 1930, par là. Et c'est une version qui a été enregistrée par Paul Huelou dans un de ses disques, hein, avec les Skrillex, là. On va essayer de le retrouver, hein, et de le faire écouter aux auditeurs. Bah peut-être, oui, tu trouverais ça. D'accord. Et puis, voilà, pour le... Alors, le jour de l'an, c'est Détien Templa, hein, voilà. Et puis, ma foi, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette question, et on souhaite à tous nos auditeurs une très bonne année 2016, et puis d'être fidèles à RKV. Eri, troisième et dernière partie de Hent ar Brezhoneg. Petra zo neve ar vont ? Ma kalz dro evel just bouer vej di ouzon. Krogom bremañ gant ur blad o vil c'hoezek. Hag spi e meus vo pija d'ur gant ar chilo ur kab pa de blad. Ka un dro e bouiz e vid un dud an ma bavro chilo ur kab. Kwejel e breiz ne detient an blad he un dud de vel en amezeien war ar mez hag bon de zouet idet blavez mat hag leve de vije un dud o kanan war ar mezio. Hein, j'onge peus de zor gant awenz. Ma or kontan nim gant o, a man or ke nim zi han o, med on de ram gant kalon va, de zo eti blavez mat. Blavez mat un dud un timan, blavez mat i gant doue, aventur va te reyo an, de regos pres polite. Don i donet, c'est une onze bla neve. Aventur va te reyo an, de regos pres polite. E barados fino pue, ma ve volonté doué. Ah, ouais, l'arrêt de Rayo, j'ai l'arrêt d'aventure vote, à de Régos, presse polité. J'ai que l'art d'aventure vote, de Régos. Vraiment, bah, j'ai fait bigrette. Mais de Huls, Régos, boissons de bout de vure. Mais de Pinving, me mestra, de Zérion, t'en mer. De vous, tranquille, qu'à de Huls, ben, de Huls, ouak que de l'EVB, de Fidendut. A warret e bon bevon a kalz du de jiwaz vije power, hein, mamus gwelve kalz a re a we e warret e monte diest al ba fino bu e pidio an iwan ket la bro betin a gerhan a gazi wa tris doar, hein, bon bremañ ne ke mamus botin beso bet pe gontan de zor gant awenz meus be klevet pe wanyo wang kalz du de gant eze hors trop bourg, hein, gant ur voutail à Rome, hag vije gant eze ba pe pti, hag spen ur mod oa de gant oze, pudur benefin, pepini e lak e pezni war oan vars. Hir ad vije, a lak vije traufen tus mamez vars. Yeah. Vije oan. Bon, ur gant oan ze zo bet liam gant ur religion, hein. Pudur vekomz de zur bastor, hein, de Bethléem, a de ze ma bik Jésus, bon, liam oa evel just, gant ur religion. Zur oar ma oa bet zarvet ur gant oan ze gant ur bel, oa ranket, pet an man o loar ek benek, bo pet. Gant tal dir jafre nou po de Carnoët, oa bet zarvet o'n ton, oa mamez ton, hein, ur gant oan, mur laïc, ma peçon, l'air vigé que comme je tiens de ce religion. Or grand Owen, c'est au bête d'un rôle de grand Paul Huelou, ou à Riblad, un grec dans leur strolat scrillet, parce que j'en l'ai appelé sa blanc, vas-y, zimus bam, mes me bladen, vas-y. Ag, ou à brau de Shiloh. Avait fait bémor de Hadlak, de, on tombe, bah, bamar, et on détient ton blanc. Bon, tramen de vraiment ur blad o vil pemzek, war meur eus achen ur blaz eus obit ur blad kri, gwalz ar voudou eus obit da skwer ur bro Vrans, gant un terrorist do lar an tut, un homo didrué, ba mis Genver, a ba mis du, Vide l'arbre douar à bla d'auville pemse, que zo bet val put, gant pri jo isel vide mort, vide lèze, vide l'on et kik. Bon, spi meus vo gwellar un trau vide labourer yen douar ba bla de zon, ka zezo evel just sichen an économie e ze breiz. Echu e debe d'or blag an ur vota degou, evit d'or an vroioù hag aze ive zo bet de blasou dizor os pontuzoar. Vid ur brezon hag ne ke bemad blat an me bemur, ne ke bezin komz oa de zin o kart a erriez ou gwasket, gant bro vrans, me evet juz ne ke begret, pe zo ne ke zouez u stambet, pe dur jacobinet ve mez war pep tra, vel kiz a kustum. A ken distor e chomet beta breman, ke le nadur eus ur yez. On druye pe ve gwellet da skwer, pe sa mod a yaw a rog, un trou ba bro Corsica da skwer l'er zo perug un dregant de zeur vugal e ge zis ke tamm bedam ye zeur vro. A just ma pe on komz de ze bro Corsica, prezident neve bro Corsica, Jean-Guy Talamoni, un eus ged i breze gen digor ye zeur vro Corsac. A milardar zo petrouz ganze tout de Jacobine doa feu ket ganze a jonge a l'on or o or breze gen officiel ba ye zeur vro, pe so naturel ne se vors pler ba bro Europa, mais dans mon bro Vrans, oa feu ke tout n'dut, mam eus sklev ad ministien tant bro Vrans, l'ard oa rek petoazé, gouskou de enz o Catalan, oa a war pe se yezou e er yezou latin, mais de nan de vide des oa rek oa rekomand betin, ma sen oa kol di ben kantan, oa anket. Et vel juste, n'est que de brez, fait beclev, n'a gwell, d'un dra dis, j'y was, j'on jeta, notre le drillon, brezé, qu'un brezon, n'a gbaraon, zé ne vaut que gwell, d'un, gwell, je bête, d'un. Vé, je n'en sort à mes, de ce musée, l'où un peine bras, en me brez, un guerre brezon, n'a gwell, qu'un avou. Pe yerembat, pe trugare, a ma meus meus kleve, pe on komz de ze lotra ou le drian, meus kleve nan l'ard o vech, bevet breiz. An disen, yo a ged o sakre breze, gana. Ya, ya, bon, me ne ke zur vo kleve presti, tu komz disse. Hag ma trez noir ave fe bet, bon, ve fe ke bekal ze dud o kompren, ba meske rez o dilen, et pe dur... Grédant, ou rang de grédant que zo spendig, ba rand vro breiz, ba cusul rand vro breiz, a gond pour fait un temps breizon de beneket. Peu dur verre, ma mesre ve gwell derman, a pe ve kis un comz breizon de ban télé, pe kolev derman de Mona Bras, Paul Molac, Gérard Laelec, pe Lena Louarn, bon, a gendi wa eufi joaler avec Lena Louarn, Paul Molac. Hag anse, bon, ma ve fe bet ur kentelio brezon evit pen o braz. Ve fe bet gwell pen o braz ont diski brezonek. Ma moyen zo zo ded chila o RKB un tamm, men gredan ke zo kalz ne a war mam zo deus be RKB. Bon, an de krogon de l'ar val deus un dun me mestra. Bon, point de din brem en l'art de blavesma d'artout, chilower yen RKB, rezo chilower repos bien, hag rezo chilower ruedat, pe dion brem en zotud war ur bedol au chilower RKB. Spi meuz vo kalzedud au chilower RKB, pe dion de me jonge yon dra bouiz, kad radio evel RKB, l'herve kleve tut, Tu deux euros avant que clève de Gualalise Hendel, va faire une big clève de Bopet. Tu deux euros comme ze Brazon, puis comme ze Galak Vision Homes, comme ze Zosne, puis on vraiment on est balplay aux Zoso Abaden ou Zosne, hein, Spotlight on Brittany, Shiloh and Vision Homes, ya à comprendre en Madoir, hein, Sclair and Trou. Hag bon, plus jusé, hag galowek ve klev ve jen amzer, pas trawar, mais ma dve fe bet c'hadlak an tamm galowek, vid mont diski an tamm pe sa zevena du rezo Grande Braise Uvel. Bon, Blavesma de l'art en de Régos, et vin me fait fagne Eurizoa Oleve, Blavesma de Fugal et Ive, mon grand terme, genre de zone orvro, orbija d'urve gandine dermat, pigleve en Fugal et au comz brezonneg, ou a xive et cleve de mad alise, ou a RKB, hag red edim storm hag or om seiz posup pe om seiz posup war nugen vel ar fe Jean-Pierre evit treuskaz zivena dur ur vro d'or vugale blavezma de l'ar an de skipaï RKB de l'ar adé rezo labour ad BMD vide radio Jean-Pierre, Bruno, Christian, Marie-Laure, Tudu a blavezma d'Arwi Morgan. Merci Eric. Blavezma de Dudzo ba Cusul Meran radio. Namamez ba Gevridig radio. Zo tud beau de un drôdeur président de Neve, Alain Rouz, à deux heures, à heure président de Inor, Marcel Guyouz. Justement, puis on compte de Marcel Guyouz, blanc me vaugré d'un tamguel évitant, vite Raider Mela, l'un mais de si vous comme vous attendez. Ma mise meurs, vous, donc. Bon. Officier des arts et des lettres, t'es qu'est-ce officier qu'est-ce des arts et des lettres, ya. Zelta. Marcel. Marcel. Bon, blavesma de l'art en nahan de douderies au Sturm à Gelabour à Vidor-Brezand, et velleries au de Remar et Monde à Square, casse crouine. Hlas di ouiezek ba la rune, ba skol la rune, hag zeve febe don dravot, ka beta bremen ve kele le brezon de ge drevraz l'air ne ve ke komz pe soufen tu zoar. Hag ve febe mod me mestra, jonge al rand ve febe mod, ka da ur skol di ouiezek ba kreiz evro am ba la rune. Bon, setu gremme mo tam tro war blavez mod, hier mod de tout le dut. Keno eri. Ya ti na vou manga. Mother Canton me e gano, Maraket me zihano, me doneran gan kalon vat, da iti ar blaves mat. Me doneran gan kalon vat, da iti ar blaves mat. Ur blavez ma da souet an dar, blavez ma de vid an ol, aventur vat da re yoan, da re gos blavez di boan. Aventur vat da re yoan, da re gos blavez di boan. Da re gos amzer di zursi, a yehet pe pret nozi evit gwelet o bigale hep trebuyou ar vue evit gwelet o bigale hep trebuyou ar vue kalaj o avit an di diawan yehet a plija diryou tu diawan dar madem gari war an douar peur bepret tu diawan der madame garit war an douar peur bepret netra nes ar zol vous deges vel espérance au pué et vise vel an ur ustet bigale gui en vretonet I vise vel an ur ustet bugal egui o vretonet Evit an ol martel o det zo enans kreiz ar mo bras o honi koz a mik para gant kalon de blavez mat o honi toz a mik para gant kalon de blavez mat